Jimmy, Dalido, vous êtes journaliste. Comment expliquer aujourd'hui cette justice américaine en 2 minutes 30 tout au plus? Cette justice américaine qui semble donc véritablement pourchasser ceux qui ne maintiennent pas véritablement le discours qui est bien encadré, notamment qui voudrait que l'on puisse considérer aujourd'hui la Russie comme étant un État va-t-en-guerre. Oui, merci pour cette question. Très rapidement, la première, c'est qu'effectivement, qui dit impérialisme dit processus de concentration et monopolisation. Je n'ai pas le temps de développer, mais la concentration engendre la monopolisation. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises et le capital qui est en mouvement, à un moment, va monopoliser tous les secteurs de production. Il monopolise tout jusqu'à la monopolisation, c'est-à-dire un total contrôle des entreprises et des États. Mais le problème, c'est que cette concentration et cette monopolisation s'étend aussi aux médias. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui s'étend jusqu'aux médias. Et donc, forcément, dans le cadre de l'impérialisme, les médias deviennent des organes d'agitation propagande au service de leur propre gouvernement. Et cette réalité fonctionne au cœur, évidemment, au cœur fonctionne d'une manière très féroce dans le cœur de l'impérialisme nord-américain. Deuxième élément, au niveau occidental, en France, par exemple, les médias, qui sont des organes d'agitation propagande, ont intégré dans les esprits cette vision de l'homme noir qui est naïf et manipulable. C'est comme ça que les Africains sont présentés dans le cœur de l'impérialisme français. L'homme noir, naïf et manipulable, qui n'est pas capable de penser par lui-même, et qui est, vous savez, qui n'est pas conscientisé, qui n'est pas capable de po poser une analyse cohérente sur le monde qui l'entoure. Et cette vision de l'homme noir, naïf et manipulable, qui est un mensonge, et qui est construit par les médias, que ce soit l'impérialisme français ou l'impérialisme nord-américain, leur permet de faire croire que les Africains ne sont pas capables à l'autodétermination. Que nos frères africains ne sont pas capables de mettre en application dans leur propre existence, via leur propre existence et via leur propre nation, le principe d'autodétermination. Et c'est totalement faux, évidemment. Et ça, c'est quelque chose à vraiment, il faut lutter contre ça. Et je crois que la base de développement pour lutter contre ça, c'est l'internationalisme, c'est la solidarité de tous les peuples. Et troisième élément, c'est sur la notion de terrorisme qui est mis en application par ces médias menteurs. Alors en fait, les victimes du terrorisme, la réaction des victimes du terrorisme deviennent eux-mêmes terroristes. C'est-à-dire les victimes qui sont les gens qui sont victimes du terrorisme deviennent eux-mêmes des terroristes. Ça, c'est un, je prends, ça, c'est un vieux, c'est une vieille stratégie que l'impérialisme connaît bien. Je prends un exemple concret. Ils disent que Wagner est, par exemple, que ce soit Wagner ou les troupes russes sont des terroristes. Mais est-ce que, lorsque les pro-russes étaient brûlés vifs dans le Donbass, parce qu'ils étaient pro-russes et qu'ils étaient brûlés vifs par le gouvernement, par les troupes, au service du gouvernement néo-nazi d'Ukraine, est-ce qu'ils ont été pointés du doigt comme des terroristes? Non. Pareil, lorsque au Cameroun, l'impérialisme français entre 62 et 64 a massacré plusieurs milliers de Camerounais, lorsque l'impérialisme français entre 67 et 70 a massacré plusieurs milliers d'Africains au Biafra, lorsque l'impérialisme français en 1994 a poussé au massacre au Rwanda entre 58 et 73 en Guinée, est-ce que ça a été validé comme des actes terroristes? Non. Donc là, on voit bien qu'en fait, les victimes du terrorisme qui, à un moment, mettent en application une légitime défense sont eux-mêmes pointés du doigt comme des terroristes. Et je finirai par là, qui dit lutte anti-impérialiste dit lutte des classes. Je rappellerai que les trois axes de la lutte des classes, elles sont simples. Lutte idéologique, lutte économique et lutte politique. Si on dit qu'il faut lutter contre l'impérialisme, c'est-à-dire qu'il faut développer la lutte des classes, les deux notions sont corrélatives et il faut intervenir à ces trois niveaux. Je pense que Afrique Média TV, encore une fois, je vous remercie parce que vous prenez des risques effectivement pour les différents peuples et vous laissez vous permettez une liberté d'expression, et je crois que vous êtes effectivement une arme redoutable dans la lutte anti-impérialiste. Afrique Média, le monde, c'est nous.